les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. On apprend l'histoire dans les livres d'histoire, entre autres. Mais pour écrire ces livres d'histoire, il a fallu que des étudiants, des professeurs, des chercheurs fouillent dans les archives. Pour nous instruire, pour transmettre l'histoire de la France, les chercheurs ont pu avoir accès aux archives de toutes origines dans toutes les régions de France. Mais il faut aussi savoir que la France et son passé ont laissé des traces dans toute l'Europe. Une série de l'été 1982 s'était penchée sur les archives françaises à l'étranger. Les sédiments laissés par l'histoire. En Hollande, en Belgique, en Russie, en Italie, en Espagne, en Suède, également en Allemagne, à Francfort, mais aussi à Friedrichsdorf, ainsi qu'en témoigne l'émission qui vient, la France dans les archives de l'Europe, les émigrés protestants en Allemagne après la révocation de l'édit de Nantes. Une émission de Jean Montalbetti avec la participation des historiens Michel Magdelaine et Helmut Sellarius. Réalisation Jean-Claude Loiseau. Première diffusion sur France Culture le 2 août 1982. Au XVIIe siècle, les protestants étaient moins de 900 000 en France, majoritaires dans le Bas-Languedoc, dans les Cévennes et dans le sud du Poitou. L'édit de Nantes de 1598 définissait le statut des Huguenots dans le royaume d'Henri IV et réglementait leur culte. Il garantissait l'absence de discrimination entre catholiques et protestants pour les charges et pour les fonctions dans les universités et dans les hôpitaux. L'édit de grâce d'Alès de 1629 maintint la liberté de culte, mais ordonna aux protestants de rendre leur place de sûreté et de raser les remparts des villes et des châteaux. Désormais, Richelieu va donc pouvoir réduire les protestants. La répression va d'abord être administrative, puis judiciaire, et enfin militaire. Louis XIV, après Louis XIII, veut obtenir la conversion des réformés par la corruption ou par la violence. Politique qui aboutira aux dragonnades des années 1680. En octobre 1685, l'édit de Fontainebleau, signé par Louis XIV, révoque l'édit de Nantes. Le culte est interdit, les biens du consistoire confisqués, les pasteurs contraints à l'exil. 200 000 Huguenots vont réussir à passer les frontières. Où vont-ils? C'est leur trace que nous avons voulu retrouver trois siècles plus tard à travers les archives de Francfort. Gewidmet den 33 Kriegern aus der Gemeinde Friedrichsdorf, die an dem glorreichen Feldzug gegen Frankreich im Jahre 1870-71 teilnahmen und alle unter Führung, unter Gottes gnädiger Führung in die Heimat glücklich zurückkehrten. Ascha Charles, Ascha Vitor, Arben Gustav, Bender Fritz, Daz Louis, Desor Louis, Engel Wilhelm, Garnier Emil, Garnier Louis, Garnier Adolf, Godre Emil, Godre Daniel, Godre Adolf, Genau Fritz, Hänsel Ferdinand, Hänsel Jean, Islaub Wilhelm, Knut Fritz, Lauer Emil, Lauer August, Lebo Fritz, Lebo Henri, Lebo Louis, Briva Adolf, Briva Constant, Rusle Emil, Roux Emil, Roux Gustav, Felde Louis, Veri Gustav, Veri Louis, Weil Louis und Hunov Emil. Gestiftet am 25. Jahrestage der Schlacht bei Sedan. Michel Magdelaine, nous venons de faire une vingtaine de kilomètres à la sortie de Francfort pour retrouver un village, une petite ville aujourd'hui qui a été fondée par les Huguenots français au tout début du XVIIIe siècle. Même à la fin du XVIIe siècle, puisque c'est en 1687 que Friedrichsdorf a été fondée. C'est une des premières fondations dans laquelle les gens sont restés. Très souvent, en effet, les réfugiés qui arrivaient s'installaient dans des villes ou dans des villages déjà existants, espérant que c'était pour une période provisoire, parce qu'ils pensaient qu'ils pourraient rentrer dans le royaume une fois que le roi aurait compris la faute qu'il avait commise. Malheureusement, ces espoirs ont tous été déçus. Et quand ils ont compris enfin que c'était terminé, ils ont cherché des lieux, des localités, des villes dans lesquelles ils pouvaient s'établir définitivement. Le landgrave de Hesse-Homburg, Frédéric II, les a accueillis et le village a été fondé, donc comme je l'ai dit, en 1687. Mais jusqu'en 1694, ils ont refusé, les réfugiés, de construire des maisons en dur. Ils ne construisaient que des petites huttes, espérant qu'ils pourraient en effet les quitter bientôt. Alors nous venons de suivre la rue principale qui s'appelle la rue des Huguenots. Oui. Et nous avons justement vu dans cette rue un certain nombre de maisons qui datent probablement du tout début du XVIIIe siècle, qui sont des maisons en pierre avec de petites ouvertures, des volets de bois, des toits de tuiles plates et qui sont construites en deux parties. Une maison principale qui est à un ou deux étages, et une toute petite maison avec seulement un rez-de-chaussée. Oui, parce qu'à partir de la deuxième moitié, surtout du XVIIIe siècle, les habitants de Friedrichsdorf ont été des fabricants de flanelle rayée. Cette fabrication a fait leur fortune, alors qu'auparavant, ils étaient des artisans beaucoup plus variés, aussi des artisans du textile. Ils fabriquaient par exemple une étoffe qu'on appelle mulquine ou canfa, qui est une très fine étoffe de lin qui servait de doublure aux vêtements de soie. Et puis il y a eu une concurrence loyale ou déloyale, je n'en sais rien, mais en tout cas très forte. Ils n'ont pas pu tenir et heureusement, ils se sont reconvertis dans la flanellerie qui a fait leur fortune pendant une période très longue. Il y a donc le long de ces maisons une petite maisonnette qui servait de teinturerie, car tous les travaux se faisaient ici. La filature, le tissage, la teinturerie. Dans cette rue des Huguenots, nous avons croisé aussi un buste de Frédéric II, le bienfaiteur de ces Huguenots, lors de la fondation de ce village. Et nous sommes entrés dans le temple, qui est d'assez petite dimension, tout blanc décoration intérieure, avec une chaire au fond de ce temple, un autel sur lequel il y a une inscription en français, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi » n'aura plus faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. C'est une citation de l'évangile de Jean. Il y a une tribune au premier étage tout autour de ce temple. Alors on a là l'exemple d'un temple construit par les Huguenots après leur arrivée et leur implantation en Allemagne. Oui, c'est un plan tout à fait calviniste, c'est-à-dire une salle toute simple, sans aucune décoration. L'autel dominé par la chaire, ce qui nous montre bien l'importance de la prédication, puisque c'est Dieu, bien sûr, qui donne la foi, mais la foi vient, ou plutôt la foi se manifeste dans la prédication de la parole divine, donc l'importance primordiale donnée à la prédication de la parole divine. Cette église ne date pas tout à fait de la construction du village. Les villageois étaient en effet beaucoup trop pauvres et ils devaient aller au culte à Bad Homburg. Mais dès qu'ils ont eu suffisamment d'argent pour faire construire ce temple, au début du XVIIIe siècle, ils l'ont fait. Et le temple est toujours resté. Et il y a encore une quinzaine d'années, le culte était célébré en français toutes les 5 ou 6 semaines, alors que maintenant ça n'arrive plus qu'une ou deux fois par an. Au fond de ce temple, deux plaques de marbre noir, L'une commémore l'anniversaire de la fondation du village en 1887, c'est-à-dire 200 ans après cette fondation. Oui, le village ayant été fondé en 1687, il y a eu en 1887 une très grande fête. Tout le village de Frederiksdorf était debout. On a constitué des cortèges, on a construit des arcs de triomphe splendides. Des personnalités célèbres sont venues d'un petit peu partout. Et l'un des chariots les plus remarquables avait été fait par des descendants de Huguenots qui avaient reconstitué un chariot semblable à ceux sur lesquels leurs ancêtres étaient arrivés et avaient repris des costumes anciens portés par leurs ancêtres qu'ils avaient remis pour cette occasion. Ce qui est intéressant, c'est que cette plaque qui date donc de la fin du 19e siècle s'adresse aux jeunes d'aujourd'hui. Je lis « Désireux de transmettre le souvenir de cette fête à leurs descendants de 1987 et reconnaissant envers Dieu qui n'a cessé de répandre ses bénédictions sur cette église, ils élevèrent ce monument commémoratif pour témoigner de leur profonde gratitude et pour affirmer leur inébranlable attachement à la foi et aux traditions de leurs ancêtres, les Huguenots. » C'est d'autant plus intéressant quand on sait à quel point à cette époque-là les traditions françaises et la langue française en particulier étaient déjà sévèrement menacées. Et combien les habitants de Frederiksdorf, conscients du danger que cela représentait, ont cherché à maintenir et les traditions françaises et la langue française, espérant justement, en invoquant 1987, que ça durerait jusque-là. Malheureusement, c'est pratiquement terminé. La deuxième plaque, au fond de ce temple, est rédigée en allemand et elle comporte une liste de noms. Il s'agit des 33 soldats de la paroisse calviniste de Frederiksdorf qui ont pris part à la guerre de 70 contre la France et qui, heureusement, sont rentrés sains et saufs au pays. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la plupart des noms sont très français, Achard, Arabin, Garnier, Gautrin, Guénon, Véry, Privat, Rousselet, Roux, mais qu'on trouve déjà un certain nombre de prénoms dont la graphie est tout à fait allemande, donc la prononciation devait l'être aussi, comme Gustave, Adolphe, sans E, et d'autres encore, ce qui prouve bien à quel point l'influence germanique était déjà forte sur la paroisse huguenote de Frederiksdorf. Michel Magdelaine, nous sommes dans le cœur ancien de Francfort, puisqu'il s'agit de la place de l'Hôtel de Ville, qui est aujourd'hui probablement partiellement reconstruite, et nous nous dirigeons vers les archives pour retrouver un peu la mémoire du refuge huguenot en Allemagne. Alors, où sont situées ces archives par rapport à ce cœur historique ? Les archives sont situées très exactement derrière l'Hôtel de Ville, qui est une des maisons les plus anciennes du Francfort actuel. Qui est en grès rose, oui, comme étaient les anciennes constructions du centre-ville, en grès rose ou bien en maison à colombage, à torchis à colombage. Et sur cette place existe encore, outre l'hôtel de ville, la petite chapelle Saint-Nicolas, dans laquelle se rendaient en cortège les empereurs quand ils avaient été, après leur élection, dans l'hôtel de ville. Quant aux archives de la ville, elles se trouvent dans l'ancien cloître des Carmélites, exactement derrière l'hôtel de ville, un des rares bâtiments anciens qui soit conservé à Francfort, après les destructions de la dernière guerre. Monsieur Helmut Cellarius, vous nous accueillez aux archives de Francfort avec Michel Magdelaine, qui a travaillé plusieurs années sur les archives qui concernent le refuge protestant en Allemagne. Quelle est l'importance du fonds de Francfort par rapport aux archives sur les Huguenots français en Allemagne, dans l'ensemble du pays? Il y a beaucoup des archives communales, des archives des paroisses, dans des régions différentes, très différentes en Allemagne. Et Francfort est connu et célébré parce que beaucoup de Huguenots passaient cette ville en passage à un lieu qui était sûr pour la vie des Huguenots. C'était plus de 100 000 personnes qui ont passé la ville de Francfort vers 1700. Et il y a, et c'est une source très importante, il y a des volumes avec les notes sur les distributions en argent ou en nourriture pour les Huguenots qui étaient peu de jours en Francfort. On est assez surpris, Michel Magdelaine, de ce chiffre de 100 000 personnes qui sont passées là à la fin du XVIIe siècle, parce qu'il y avait combien de protestants en France à la fin du XVIIe siècle? Et surtout, à peu près, quelle est la proportion des protestants qui ont quitté la France après la révocation de l'édit de Nantes en 1685? Oui, la proportion exacte n'est pas encore très très bien connue. Bon, on pense qu'il y avait à peu près 1 million de protestants, et que là-dessus, une bonne partie a quitté la France, mais les estimations vont de à peu près 200 000 à beaucoup plus de 500 000. Et le nombre exact n'est pas encore très bien connu. Évidemment, beaucoup de gens se sont sauvés, on n'en a plus eu trace. Dans les pays d'accueil, certains sont enregistrés plusieurs fois, certains ne le sont pas. Et puis, beaucoup sont morts aussi sur la route, des enfants, des femmes enceintes, des vieillards. Et à l'heure actuelle, justement, a commencé une très grande enquête sur le refuge huguenot dans les pays d'accueil et aussi sur donc ceux qu'on appelait les religionnaires fugitifs en France, pour essayer d'avoir enfin un chiffre qui corresponde le plus près possible à la réalité. Alors, pourquoi ce passage fréquent par Francfort? Quel était le statut de Francfort à la fin du XVIIe siècle et son importance également? Francfort est ce qu'on appelle en allemand « eine Drehscheibe » et en français « une plaque tournante ». Un carrefour, une plaque tournante. Et elle l'est depuis très longtemps. Elle joue en effet un rôle économique très important à cause des foires. Il est facile d'arriver à Francfort. Les voies d'accès sont aisées. C'est une ville impériale qui ne dépend donc pas d'un seigneur, mais directement de l'empereur. Et surtout, pour les Huguenots, il y a là une paroisse francophone, française, qui en réalité d'ailleurs est d'origine wallonne, qui date du milieu du XVIe siècle, qui est très bien implantée, qui est riche, qui accueille ces réformés huguenots complètement perdus, qui quelquefois sont sur les routes depuis des mois ou des années, qui, arrivant à Francfort, n'ont plus de ressources. Ils savent que là, ils seront accueillis, qu'ils auront des nouvelles des gens de leur village, de leur ville, éventuellement de leur famille, qu'il y a là des gens qui pourront les renseigner sur les territoires où ils trouveront refuge, qu'ils seront soignés, qu'on leur donnera de l'argent, un viatique, pour continuer le voyage un petit peu plus loin. Alors justement, Francfort, plaque tournante, mais étape temporaire. En fait, les réfugiés qui viennent de France passent par Francfort, mais ne sont pas destinés à s'installer à Francfort. Pourquoi? Non, ça n'est pas possible pour eux de s'installer à Francfort. Le magistrat ne les accueille pas très volontiers. La ville de Francfort est luthérienne. Et les réformés qui arrivent sont calvinistes. La ville de Francfort est très développée économiquement, est riche, mais comme beaucoup d'autres villes d'ailleurs voient d'un mauvais œil ces gens qui risqueraient de faire concurrence aux artisans et aux commerçants qui sont là. Et puis de plus, je le répète, c'est une ville luthérienne. La paroisse française qui existe depuis longtemps a droit de cité, ou du moins, je dois préciser, ses membres ont droit de cité. Son bourgeois de Francfort. Mais il n'y a pas de temple français à Francfort, c'est interdit. Jamais, ou du moins pendant très longtemps, ils n'obtiendront la permission d'avoir un temple. Il est construit d'abord à Bockenheim, qui est à l'extérieur de Francfort, et ensuite à Offenbach, qui est de l'autre côté de Francfort. Vous nous avez sorti d'ailleurs une carte qui nous marque un petit peu l'implantation de ces communautés huguenotes en Allemagne. Quels sont les principaux foyers d'après cette carte? Une des régions très importantes pour l'immigration des huguenots, c'était le Landgraviat Hessen-Kassel, aujourd'hui un part d'un pays fédéral, Hessen. Les paroisses importantes étaient Kassel-Memmen, Marburg, Totenhausen et principalement les villages dans le nord de cette province, par exemple Hofgeismar, Kelze, Grebenstein, Mariendorf ou des villages avec des noms Gottstreu, c'est-à-dire en français fidèle à Dieu, ou Gewissensruhe, le repos de la conscience, et Gethsemane avec le nom biblique, Gethsemane à l'est de Hessen. Salle du nouvel hôtel de ville de Friedrichsdorf a été aménagé un petit musée de l'histoire du village et de la colonie des Huguenots venant de France. Nous sommes dans cette salle de musée avec le conservateur et vous avez dans les mains, Michel Magdelaine, probablement le plan le plus ancien de ce village au moment de sa création. C'est le plan le plus ancien puisqu'il date de 1715. On voit très bien là comment peu à peu le village s'est construit. C'est ce qu'on appelle en français un village-rue. Il y a donc une seule rue bordée de maisons. Toutes ces maisons sont semblables et sont toutes perpendiculaires à la rue, l'entrée étant donc sur le côté. Ce qu'on ne voit pas ici et ce qui sera construit peu à peu, ce sont des cours à côté de chaque maison. Et quand l'industrie textile, plutôt l'artisanat textile, se développera à Friedrichsdorf, de l'autre côté de la cour, en face de la maison, on construira une sorte de petite cabane qui servira de teinturerie. Et il y a de chaque côté les champs, il y a les prairies pour les animaux, et puis il y a la forêt et des vergers, puisqu'en effet, parmi les premiers habitants, nombreux étaient les paysans. Alors, nous allons vous demander comment était composée cette population du premier village au moment de la création et quelle était l'origine des Huguenots, l'origine française des Huguenots qui sont venus s'installer ici. Weber, Wirker, Hanf, Leinenfacharbeiter, Flachshändler, Wattemacher. Das waren die ersten. Les premiers étaient des tisserands, des bonnetiers, des fabricants de lin et de chanvre, deux fabricants de ouates et des marchands de lin. Il y avait aussi cinq ouvriers qu'on appellerait des manœuvres en français actuellement. Alors il y a un plan de l'origine provinciale de ces Huguenots qui sont venus s'installer ici. à partir de 1690-93. Oui, même auparavant, puisque nous trouvons la date de 1688 ou la date de 1687. La plupart viennent de Picardie. Puis un certain nombre de Champagne, essentiellement de Chervais et de Vitry-le-François, du Languedoc, de Saint-Hippolyte en Cévennes, de Marcillargues, dans le colloque de Montpellier, du Val-Cluzon, c'est-à-dire du Haut-Piémont qui était dauphinois à l'époque, de Provence, du Dauphiné proprement dit et d'Île-de-France. Oui, ce qui frappe tout de même, c'est la très grande diversité des origines. C'est la très grande diversité et ça c'est quelque chose d'assez rare parce que très souvent, dans les toutes premières fondations, les gens se retrouvaient entre eux, ou bien d'un même village, ce qui était tout de même assez rare, ou bien d'une même province. Et Friedrichsdorf est vraiment un cas tout à fait intéressant. On a là, d'ailleurs, une véritable représentation de la France protestante du XVIIe siècle. Relativement, oui. Quant à la diversité, c'est vrai. Quant à l'importance, c'est un peu moins vrai, dans la mesure où les plus nombreux venaient du Languedoc et du Dauphiné, alors qu'ici, les plus nombreux venaient de Picardie. Nous venons de reprendre la rue des Huguenots et nous voyons quelques maisons, notamment cette maison ancienne aux tuiles plates avec de petites fenêtres qui est probablement une des plus anciennes du village. C'est ce qu'on vient de nous dire, c'est une ancienne tannerie et à côté il y a encore un atelier dans lequel on travaille le cuir. On fait en effet dans cet atelier des rubans de chapeaux en cuir. Oui, nous voyons d'ailleurs du cuir qui est en train d'être teint dans les gris et les bleus. Der Form nicht mehr, diese alten Handwerker nicht mehr. Das ist jetzt übernommen worden von einem Herrn Garnier. Der Schwiegersohn führt diesen Betrieb jetzt weiter. Il n'y a plus d'anciens artisanats. Ceci a été pris par un monsieur Garnier et c'est son gendre qui continue le travail, mais c'est unique. Michel Magdelaine, vous avez travaillé plusieurs années sur les archives de Francfort. Monsieur Cellarius nous a fait sortir quelques volumes de ces registres que vous avez en ce moment devant vous. Alors, dans quelles conditions ont été rédigés et constitués ces registres? De quand datent-ils et quelles sont surtout les informations qu'ils nous apportent sur cette émigration? Dans toute communauté réformée, il y a ce qu'on appelle la bourse des pauvres, qui s'occupe donc de distribuer l'argent que possède la paroisse aux pauvres qui en ont besoin. Il y a deux sortes de distributions, celles qu'on appelle les distributions ordinaires. Ça correspond, si vous voulez, à un système d'assistance, comme on pourrait avoir maintenant l'assurance maladie, ou bien l'assurance vieillesse, ou bien l'aide aux orphelins, aux veuves, etc. Et puis il y a ce qu'on appelle l'aide extraordinaire, c'est-à-dire les secours en argent, en vêtements, ou bien aussi en nourriture, qui étaient accordés aux gens de passage. Et c'est exactement ce qui s'est passé à Francfort. Alors au début, les premiers registres comprennent à la fois les pauvres de la paroisse et les réfugiés qui passent par Francfort. Et puis à partir de la fin du mois d'avril 1686, on va constituer des registres spéciaux pour les réfugiés parce que l'afflux est tellement grand qu'on décide de les traiter à part. Et c'est pour ça qu'à partir de 1686 et jusqu'au milieu du 19e siècle, nous aurons des registres qui sont rédigés spécialement pour les pauvres réfugiés venant du royaume et des vallées du Piémont. C'est-à-dire qu'on considère que ces familles sont toujours des réfugiés, même au milieu du XIXe siècle, ou est-ce que le mouvement d'émigration a continué? Non, le mouvement d'émigration n'a pas continué, pour la bonne raison qu'à la fin du XVIIIe siècle, les protestants ont eu droit de cité dans le royaume, comme les catholiques. Seulement, il y avait leurs descendants. Avec l'édit de tolérance. Avec l'édit de tolérance, oui. Seulement, il y avait leurs descendants, et leurs descendants étaient quelquefois des gens misérables. Et c'est encore, pour une partie de ses descendants, la paroisse de Francfort qui subvient à leurs besoins. Par exemple, les descendants qui étaient établis à Offenbach, à Bockenheim, ou même plus loin, comme à Friedrichsdorf, Bad Homburg, etc. Vous avez nommé Friedrichsdorf. Mm-hmm. À Friedrichsdorf, on a prêché, n'est-ce pas, on a dit les sermons en français jusqu'à la fin du siècle passé. Nous allons ouvrir l'un de ces registres. Ce sont des volumes in octavo qui sont recouverts de parchemin. Et nous avons une inscription en exergue, là, qui est faite bien sûr en français sur ce volume qui date de 1686. Livre fait expressément pour les pauvres réfugiés à cause de la grande persécution que l'on exerce contre la religion réformée en France et auquel nous avons assisté extraordinairement. Savoir et suit la liste de tous les réfugiés avec leur origine, leur nom, leur prénom, leur situation familiale, leur métier quand ils en ont un, la classe sociale à laquelle ils appartiennent, la destination qu'ils choisissent, la somme qu'on leur alloue et éventuellement, en quelques lignes, pratiquement l'histoire de leur vie. Oui, ce qui est très intéressant dans ces registres, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de registres d'état civil, avec simplement des informations extrêmement brèves, mais c'est presque une chronique de cette émigration qui a été rédigée dans ces registres. Tout à fait. D'ailleurs, si vous voulez, nous pouvons prendre un exemple. Il s'agit là de passagers qui sont arrivés en 1685, et il s'agit par exemple de Geneviève Guingeoire, qui est une fille conduisant son frère, muet et sourd. Elle vient d'Abriès, dans le Dauphiné. Elle a un témoignage de Lausanne, ce qui signifie qu'elle est passée par Lausanne. Jacques Bailly, de Vars, avec témoignage de Lausanne, de Berne et de Zurich. Philippe Rudet, laboureur de la Ferté-sous-Jouarre, qui a lui un témoignage de la Neuville, signé à Zurich. Claude Guin, d'Abriès, dans la vallée du Queyras, avec un témoignage de Lausanne, signé à Berne et Zurich. Alors, que veut dire tous ces témoignages de qui émanent-ils? Il faut d'abord savoir que lorsqu'un réformé quittait sa paroisse en France pour voyager, il avait une espèce de passeport religieux qu'on appelle attestation ou témoignage et qui était en général rédigé et signé par le pasteur. Mais le pasteur était-il encore dans ses paroisses? Est-ce que les pasteurs n'ont pas été les premiers à émigrer? Très souvent, les pasteurs étaient déjà partis, si bien que lorsque les fugitifs se sont sauvés eux aussi, quelquefois très très vite, en n'ayant pas le temps d'emporter le moindre bien personnel, ils sont arrivés en Suisse, s'il s'agit des Dauphinois, des Languedociens, en n'ayant rien du tout. Et ils se sont rendus, à ce moment-là, dans la première paroisse qu'ils trouvaient. Par exemple, à Lausanne, il y avait beaucoup de pasteurs dauphinois qui s'étaient réfugiés ou de pasteurs cévenols ou languedociens. Ils allaient les trouver et ils leur demandaient de leur écrire un témoignage, une attestation prouvant qu'ils appartenaient bien à la confession réformée. Et ces témoignages, qui étaient leur passeport, ils devaient les faire viser, comme on peut faire viser un passeport, dans les paroisses d'accueil sur le chemin. Après Lausanne, c'était Berne, où là, dans la paroisse française, on visait leur témoignage. De là, souvent, ils allaient à Zurich. Après Zurich, c'était très souvent Saint-Gall ou Schaffhouse et puis l'Allemagne. Et ils arrivaient à Francfort avec, en poche, cette attestation prouvant qu'ils étaient bien des religionnaires fugitifs, qu'ils avaient été aidés dans telle et telle localité de Suisse. Et à partir de là, on signait leur témoignage. On leur donnait asile, on les aidait et ils pouvaient partir plus loin. Alors c'est ce que nous avons ici pour ce groupe de réfugiés. D'autre part, dans ce groupe de réfugiés, il y a autre chose d'intéressant. Nous voyons qu'ils viennent presque tous du Dauphiné, n'est-ce pas? On a Abriès, Vars, encore une fois Abriès, et puis quelqu'un qui est un tout petit peu hétéroclite là-dedans, qui vient de la Ferté-sous-Jouarre, bien loin du Dauphiné, mais qui est un paysan comme les autres. Est-ce que ça veut dire que dans ces registres d'aide de Francfort ne sont mentionnés que les pauvres, que les paysans, que les gens qui arrivent tout à fait démunis à cause des situations dramatiques qu'ils ont connues au moment de leur départ? Ou bien est-ce qu'on a le reflet justement des différentes catégories sociales de ces immigrés? On a tout à fait le reflet des différentes catégories sociales auxquelles appartenaient ces immigrés. Ce sont des pauvres qui sont mentionnés. Ils peuvent être pauvres momentanément. Par exemple, on trouve un certain nombre de nobles. On trouve des avocats au Parlement, on trouve des gens qui étaient chez eux de riches bourgeois, mais qui, ayant dû fuir précipitamment, n'ont rien emporté, ou bien qui ont été dévalisés sur les routes, car les bandits de grand chemin s'en sont donnés à cœur joie. Et très souvent, on en voit qui arrivent à Francfort et qui déclarent qu'ils ont été totalement dévalisés quelque part entre la Suisse et Francfort, ou bien qu'ils ont eu un accident, que le bateau, par exemple, sur lequel ils voyageaient et qui descendaient le Rhin a fait naufrage, qu'ils ont pu, eux, s'en tirer à grand-peine, mais qu'ils ont évidemment tout perdu. Au moment de la révocation, les protestants étaient sommés de se convertir, l'interdiction avait été faite de toute émigration et le risque en cas de départ et d'arrestation était les galères pour les hommes et la prison pour les femmes. Les galères pour les hommes et la prison pour les femmes, oui, c'est exact. Donc il fallait fuir en cachette, bien sûr, et la plupart du temps, quand on annonçait que les dragons étaient dans les parages, il fallait partir très très vite. Ce qui explique que, dans certains cas, parmi d'autres raisons d'ailleurs, que les gens soient partis sans rien du tout. Ceux qui avaient pu partir en emportant de l'argent, en emportant des bijoux, étaient ceux qui avaient senti le vent et qui étaient partis avant la révocation. Mais ceux qui ont pensé que vraiment, jamais le roi n'agirait ainsi, parce qu'ils étaient des sujets fidèles, absolument pas rebelles à l'autorité royale, ceux-là se sont trouvés vraiment lésés, à tout point de vue, et ont dû fuir en laissant pratiquement tout sur place. Le conservateur vient de sortir de la bibliothèque le livre peut-être le plus ancien qui est conservé dans ce village. C'est un livre qui date de 1669. Son titre, Histoire générale des églises évangéliques des vallées de Piémont ou Vaudoise, divisé en deux livres. Et c'est un livre qui a été publié à l'aide par Jean Le Carpentier. C'est un très beau volume in octavo qui est illustré d'ailleurs d'un certain nombre de tailles douces. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve là la représentation dans ces images de ce qu'ont été les persécutions contre les protestants au XVIIe siècle. Oui, en particulier les persécutions dans les vallées vaudoises, ce qui n'était heureusement pas le cas partout, du moins à ce point-là. Un exemple, Ésaïe Grand d'Angrogne, âgé de 90 ans, eut premièrement la tête fendue par le milieu, et puis fut tout découpé par morceaux, comme la chair à boucherie. Le même traitement fut fait à la femme de Daniel Armand de la Tour, leurs pieds et mains pendus en montre à des arbres, aussi bien que leur tête, leurs entrailles et les autres lambeaux de leur corps parsemés au long du grand chemin. Et alors on a toute la représentation des supplices subis, on voit des enfants jetés du haut d'un rocher, on voit des femmes transpercées par des lances de bout en bout, on voit des enfants avec les membres écartelés, avec des soldats qui les tirent chacun par une jambe, on voit un homme traîné par un âne, ou peut-être même son cadavre qui est traîné à travers le village par un âne. On voit une femme qui est enterrée vivante, un homme poignardé, attaché à un arbre, et une femme passée dans une sorte de véritable broche qui est nue et qu'on est en train de mettre dans le feu. Alors, est-ce que l'on a là une image de ce qu'ont été les persécutions aussi en France au moment des dragonnades, ou est-ce que malgré tout, les persécutions n'ont pas été aussi sanglantes et horribles? Non, elles n'ont pas été aussi sanglantes et horribles. C'était bien sûr des persécutions, c'est-à-dire que quand les dragons arrivaient quelque part, ça voulait dire qu'on était obligé de les loger, qu'on ne pouvait rien leur refuser, donc en général, ils mettaient tout à sac, ils pillaient. Les filles et les femmes, bien sûr, risquaient d'être violées, Mais des tortures, des supplices comme ceux-ci, même s'il en a existé, étaient, grâce au ciel, rarissimes. Das Lied schmeckt gut, ja. Nous venons de pénétrer dans le cimetière de Friedrichsdorf et dans la partie la plus ancienne de ce cimetière, nous apercevons des tombes sur lesquelles les inscriptions de noms sont en français. Ici repose Louis-Charles Garnier, maire de Friedrichsdorf, né le 9 juillet 1812, décédé le 29 mai 1888. Et avec cette inscription en dessous, Dieu est amour. Ici repose Louis Garnier, né le 6 septembre 1849, décédé le 24 octobre 1886, et l'inscription « Au revoir ». Donc ces inscriptions se sont faites en français, même jusqu'à la fin du 19e siècle. Oh, à la fin du 19e siècle et encore au début du 20e siècle, puisque ceux qui étaient adultes au début du 20e siècle avaient encore appris le français à l'école ici. C'était en effet la langue de la majorité de la population. On a l'impression que certaines de ces tombes dans ce cimetière où toutes les tombes sont admirablement entretenues sont un peu abandonnées, c'est-à-dire que les familles ont disparu. Vraisemblablement. C'est le cas notamment de la famille Garnier. Je ne sais pas, peut-être d'une des branches de la famille Garnier, parce que c'est une famille extrêmement nombreuse et qu'il y a encore des Garnier. Mais vraisemblablement d'une des branches de la famille, oui. En nous promenant dans Friedrichsdorf, nous avons rencontré à plusieurs reprises, à la fois au cimetière, sur des tombes, mais également dans la rue principale, la rue des Huguenots, le nom de Garnier. Vous êtes vous-même un représentant de la famille Garnier ? Oui, moi je suis né, ma grand-mère est née Garnier. Et moi je m'appelle Moret, le maçon. Mais... Je parle français comme petit garçon avec ma mère. Et encore, j'ai fait des progrès comme j'étais prisonnier en France pendant 2 ans. Et la famille Garnier est venue à quelle époque, à quel moment? Est-ce que vous avez conservé le souvenir, la mémoire de cette première émigration? Quelle année? Oui, en 1687. Elle est réfugiée de France. En 1687. La Normandie. Alors, Garnier, Gautrin, Desors, ils étaient presque tous un peu parents, les gens qui habitaient ici. Et les gens d'environ, ils venaient pas très souvent ici dans le village parce que les Français, ils étaient avec des cheveux noirs. Alors, ils ont pensé que c'est peut-être des bohémiennes. Mon nom est Wifet. Ce n'est pas un nom français, mais ce n'est pas un nom allemand non plus. Un de mes ancêtres est venu de la Moravie, c'est aujourd'hui la Tchécoslovaquie. Et il a trouvé, ici, dans les environs de Francfort, sa femme. Et leur fils a fait la connaissance d'une fille de Friedrichsdorf. C'était... 1790. Et c'était alors 100 ans après la fondation de la colonie française. Et le landgraf voulait réserver le caractère français et c'était défendu à tous les Allemands de s'installer ici. Mais on a fait une exception. Le jeune homme pouvait marier la fille et s'installer ici. Et alors, mais il devait adapter la langue française et les coutumes, surtout les Français. Non? Alors, vous voyez, mes racines s'étendent à travers une grande partie de l'Europe. Quand en hiver, je suis en Afrique, et là, les jeunes Africains me demandent « Vous êtes français ?» Je dis « Non ». Et puis « You English ?» Je dis « No ». Et « Dutch ?» Nein. Mais qu'est-ce que vous êtes donc? Alors je dis, je suis européen. Alors sur ces registres, d'autres exemples qui nous permettraient de voir le passage d'artisans ou même peut-être de nobles? Il y avait évidemment énormément d'artisans qui passaient par Francfort parce que Même si on trouve beaucoup plus de paysans qu'on ne le croyait tout d'abord, il est bien évident que la grande majorité des Huguenots réfugiés sont des artisans. Un exemple, si vous voulez, le 27 avril 1687, arrive à Francfort un pasteur qui s'appelle Daniel Schex Laplace, qui était pasteur à la Grave, dans le Dauphiné, qui vient avec attestation et recommandation. Il part pour la principauté d'Anhalt et il voyage avec un certain nombre d'artisans. Ces artisans sont tous des drapiers. Alors là, on en a un exemple. Là, on en a un exemple, et qui est d'ailleurs intéressant parce qu'on n'a pas uniquement, on a uniquement des drapiers, mais ils ne viennent pas tous du même endroit du Dauphiné, alors que le pasteur avec lequel il voyage vient de la Grave. Il y a en effet un Cévenol, il y en a deux qui viennent du Balang, trois qui viennent du Balangdoc, et il y en a deux seulement qui viennent du Dauphiné, mais ils sont tous drapiers. Quelquefois aussi, on voit des artisans qui ont laissé leur famille au pays en attendant d'avoir trouvé un lieu d'asile. Ou bien d'autres cas encore, qui se trouvent fréquemment, tout le monde est parti, dans la mesure du possible, pour la Suisse. Et puis on a essayé de s'implanter en Suisse. C'est très difficile. La Suisse est en effet submergée de réfugiés, ne peut pas les accueillir tous. Alors quand on a vu qu'on ne pouvait pas rester en Suisse, le mari part avec d'autres qui sont ou bien de sa région, ou bien qui exercent le même métier que lui, et essaye d'aller plus loin pour trouver un lieu d'asile. Et quand ils ou ils ont trouvé un lieu d'asile, reviennent en Suisse chercher le reste de la famille. Et ça, nous le trouvons dans les registres de Francfort. Alors ici à Francfort, est-ce que l'accueil est un peu fonction de la condition sociale de l'émigré ? Par exemple, est-ce que l'accueil est différent pour les nobles qui arrivent ici ? Oui, oui, tout à fait. Si vous êtes noble et si vous arrivez de Grenoble, du Languedoc ou du Vivarais, bien sûr vous êtes dans un triste état, mais ni plus ni moins triste que celui du laboureur qui est votre voisin ou du drapier qui vient juste de passer juste avant vous. Mais puisque vous êtes noble, vous aurez droit à 10 ou 15 florins, alors que les autres auront peut-être 1 ou 3 florins, et c'est tout. On peut tout de suite crier à l'injustice, mais je crois que si on réfléchit un tout petit peu, ça n'est pas forcément ça. On estimait en effet que c'était sûrement beaucoup plus difficile pour quelqu'un qui avait été habitué à vivre confortablement selon les normes de l'époque, qui possédait des biens, souvent importants, une certaine fortune, donc immobilière, que c'était beaucoup plus difficile pour lui de s'astreindre à cette vie d'aventure, à cette vie extrêmement difficile, à cette vie pénible, se cacher, manger n'importe quoi et pas tous les jours, et que on reconnaissait un petit peu de cette façon-là, en leur donnant une somme d'argent un peu plus importante, les peines qu'ils avaient subies pour la foi. Un exemple de noble qui est un peu mieux traité que ses voisins, Pierre de la Morte, natif de Dion au Dauphiné, et Claude Gros, de la dite ville, tous deux nobles, étant échappés de la persécution. Ils ont été volés près de Genève, ayant servi tous deux parmi les cadets. Ils ont un témoignage de Genève qui a été vu à Lausanne, à Berne, à Zurich. Ils vont dans le Brandebourg et on leur donne 6 florins, alors que celui qui vient juste avant eux sur le registre et qui est garçon cordonnier n'a que 15 kreutzer. Est-ce que les nobles ont été plus nombreux que les paysans ou les artisans à abjurer leur foi pour pouvoir rester en France, ou est-ce qu'on les retrouve dans une même proportion dans l'émigration ? Non, ils ont été dans l'ensemble sensiblement plus nombreux à avoir abjuré. Sur ce plan, alors, les nobles ont eu une attitude différente de celle des pasteurs, puisque je crois que sur environ 800 pasteurs, il n'y en a eu guère qu'une centaine à avoir abjuré. Les autres ont choisi de partir. Oui, mais les conditions, l'enjeu n'était pas le même. Pour un noble, ne pas abjurer, c'est-à-dire devenir, être en butte aux persécutions, aux galères, à la prison, ou bien, au contraire, fuir, ça voulait dire vraiment tout perdre. La situation, au fond, était pour un noble qui abandonnait tout aussi difficile que pour un paysan, parce que leurs biens sont essentiellement des biens fonciers. Donc quand ils partent, ils n'ont vraiment plus rien. Bien sûr, ils peuvent se reconvertir plus facilement à l'étranger. Il y a des solidarités de classe qui y jouent. Le fait que culturellement aussi, ils aient des horizons plus larges les aide. Encore faut-il sauter le pas. Alors ceux qui sont partis après avoir abjuré, que se passe-t-il pour eux lorsqu'ils arrivent en pays protestant ? Et quand ils arrivent en pays protestant, ils sont tellement bourrelé, d'avoir commis une si grande faute que vraiment, la première chose qu'ils font, c'est de trouver une paroisse, un pasteur auprès duquel ils pourront faire réparation. C'est-à-dire faire une abjuration dans l'autre sens, si vous voulez, renoncer à ce qu'on appelle la religion papistique pour retourner dans la foi de leur père, qui est la confession réformée. Petit oiseau, t'envole, petit oiseau, reviens, reviens sur mon épaule pour picoter des grains. C'est ça. C'est ça. Trois poules vont au champ. On a fait la rue quand trois poules vont au champ. La première va par devant. La deuxième suit la première. La troisième suit la deuxième. La troisième va pas derrière. Trois poules vont au champ. La première marche par maintenant, devant. Maintenant, c'est intéressant. Il a chanté la deuxième et moi la seconde, parce que je suis très souvent en France. En France, on ne dit plus la deuxième, on dit la seconde. Mais nous avons appris la deuxième suit la première. La troisième suit la deuxième. Et vous aussi, vous avez été à l'école française? Ich kann nicht mehr Französisch. Ich bin nur in französische Kindergarten gegangen und da haben wir das gelernt und haben auch Französisch stricken gelernt. Ein Strick. Vous me traduisez? Oui, elle parle pas français, mais elle a visité l'école maternelle, oui. Et elle a après tricoté français. C'était la France dans les archives de l'Europe, à Francfort et à Friedrichsdorf, les émigrés protestants en Allemagne après la révocation de l'édit de Nantes, par Jean Montalbetti, avec la participation des historiens Michel Magdelaine et Helmut Cellarius et des habitants huguenots de Friedrichsdorf. Réalisation Jean-Claude Loiseau, première diffusion sur France Culture le 2 août 1982. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture. Sweetie Joe from Baltimore met a gal from Puerto Rico. He took her around all over town, but that Puerto Rican, she brought him down. Mr. Joe, you no speak of my lingo. Mucho, mucho, sweetie Joe. You better go. Mucho, mucho, sweetie Joe. Now Spanish for Joe was a word or two. Si, si, mañana, and I love you. When Joe tried to talk up a kiss, the señorita replied like this. Mr. Joe, you no speak of my lingo. Mucho, mucho, sweetie Joe. You better go. Mucho, mucho, sweetie Joe. Then she had Joe meet her family, and her father said quite merrily, Señor Joe, como está usted? Joe said, huh, don't do what you said. Mr. Joe, you no speak of my lingo. Mucho, mucho, sweetie Joe. You better go. Mucho, mucho, sweetie Joe. Now a stranger came, he was just a friend, but Joe got suspicious there and then. Could not understand what the fellow said, but Joe didn't like how he shook his head. Hey, said Joe, what is this? Can nobody speak English? The stranger said, I speak English fine. Senor Joe, better luck next time. Mr. Joe, you no speak of my lingo. Mucho, mucho, sweetie Joe. You better go. mucho, mucho, sweetie Joe. Ah, you better go, Joe.